Et si jamais il est mansoub ou majrour, ça y est, ra'aytu mudarisayhi. Là, le, on vient avec le ya, et on met directement le damir d'aya. Mansoub ou majrour. Non. Comme il a dit là, fi qadamayhi, là c'est majrour. Donc, il a atteint une blessure dans ses deux pieds. Ça y est. Qu'est-ce que tu as dit, ma'anta? نعم ثانية هي هي مصاب لا هي أيوه هي مصاب لا مؤنث مفرد كم تفيد مصاب يعني شو ممكن تفيد شوية Tu dis hiya kabir, hiya tawil, hiya musabatun. Ah oui, hiya musabatun. Il suit le mutada. Hiya. Hiya musaba, hiya musabatun bijura bijurur fi qadimayha. لا قدميها. قدميها. نعم. ثالثا أنت. أنت مصابتٌ بجروح في قدميك. نعم. Houa, c'est le même en plus. Je le dis quand même. Là, tu le dis pas. Antuma, trop facile. Aya Antuma. Antuma, Moussaboukouma. Là. Moufanna. Il n'y a pas de demi à mettre là, là c'est Moufanna. Antuma. C'est quoi Moufanna de Moussab? Moussabani. Moussabani. Aya. Il n'y a pas de demi à mettre là. Juste tu l'adaptes. Ailleurs Antuma Moussabani. Ailleurs Bijourouh. Fi Kodamei. Kodamei. Ailleurs Non, là tu m'as demi. Kodamei Kouma. Ailleurs. Houma. Houma Moussabani. Moussabani. Bijourouh. Fi Kodamei. Taïb, moi je veux Houma maintenant Mouannaf. Deux femmes. Houma. Là, tu as fait la même erreur que hier là. Tu as fait la même erreur que hier. Tu as dit hier Moussab. Là, c'est Houma, c'est deux femmes. Là, comment tu différencies entre deux femmes et deux hommes sur Moussab là? Comment tu sais que c'est, Moussab, que c'est un moins neuf maintenant? Il y a un truc à rajouter. Là. Le même que tu as ajouté avec hier. C'est le même si tu ajoutes Alif et Noun à la fin. Moussaba. Moussaba. Là. Comment tu as dit hier? Comment tu as dit hier? Hier. Moussaba. Moussabatun. Ben là, tu ajoutes un Alif et Noun. Moussaba. Enlève le Tanouin. Enlève Toun. Enlève Oun. C'est quoi la lettre qui est à la fin? Moussaba. C'est quoi comme lettre à la base? C'est un T. Bah, tu rajoutes un alif, non? Après c'est T. Houma, Moussabatani. C'est tout. Fi, Bijourouhin, fi. Houma. Hima. Avec le 1 au 1004. Anna. Où Anna? Aïe, ça. Aïe. Sadisan, imla al-fararat fi jumal atiya bi ikhtiyar kalimat al-munasibah mimma yali. Donc on peut les trouver avec les mots. Yadribu, frapper. Yatayammamu, faire le tayammum. At-tahir, pur. Jismihi, son corps. Jumal Oula, Khalidun Musabun Bijuruhin Fi. Donc Khalid est atteint d'une blessure dans. À mettre le mot. Khalidun Layasatiru Al-Wudu Lidalika Sa. Donc Khalidun ne peut pas faire le dos, c'est pour cela qu'il va faire le, mettre le mot. Falifan Atayammum An Fara Al-Insanu At-Turab Fara Bikafei. Donc Atayammum c'est que trou, l'homme avec la terre, trou. Avec ses deux mains.